Bon, si biir diñ ci gis tamit 8 trousseaux, mais trousseaux yooyu njogaan la quoi. Trousseaux yooyu njogaan la. Fermeture bi dafa mel ni lay xaw a gaaw a yàqu. Xaw ma yi ma fi yor xaw na gaaw a yàqu, peut être dafa am yenn yu wutee gi demee noonu. Mais su amee ko bëgg en laay xal 200 francs CFA la ñu dikkee benn bu nekk. Trousseau 8 ñoo nekk ci biir.